dans le cas de la Guinée équatoriale, tout commence en 2004. Il y a un coup d'État qui est constitué par des pétroliers britanniques. Il y a le fils de Margaret Thatcher et le milliardaire américain George Soros, le grand déstabilisateur de l'Afrique. Ces gens engagent des mercenaires sud-africains dirigés par un ancien officier du SAS britannique, Simon Mann. Ces gens sont neutralisés et arrêtés sur l'aéroport d'Harare au Zimbabwe alors qu'ils s'apprêtent à attaquer la Guinée équatoriale. Ils sont jugés et lourdement condamnés. En 2006, pour se venger, George Soros lance deux affaires de biens mal acquis, une aux États-Unis et une en France. Afrique Média, le monde, c'est nous.